Je n'en veux à personne, il a vécu sa vie. Et que Dieu lui pardonne la mort qu'il a choisie. Je ne dois à personne toutes mes larmes de sang. Même s'il était un homme, il était mon enfant. Je garderai de lui son sourire et ses yeux, son envie d'être libre et se brûler au jeu. Je garderai de lui une seule nuit d'amour qui brûlera mon corps. Ma peau pour toujours. Ton joint est mort, ton joint s'en va. On accepterait tout ton corps s'il pouvait toujours être là. Ton joint est mort sans qu'on l'appelle. Si le mal qui brûlait son corps était pour l'amour. Il était tout pour moi, mon ami et mon frère. Et s'il avait parfois perdu tous ses repères, pour trouver des raisons de déchirer sa vie, je ne lui en veux plus un peu tard aujourd'hui. Je l'ai choisi. Contre le monde entier, ce que j'ai vu en lui, ce qu'il avait caché.